non triste. Dans le fond, t'es comme les autres. C'est juste que les autres arrivent mieux à jouer le rôle des autres. Il faut que tu comprennes ça. Tu seras pas le roi des hommes, mais libre à toi d'être invincible et de manier toutes les armes. Apprends à être seul, tu vas progresser. Mais si t'arrêtes ton cours de route, ça sera comme tout laisser. T'es comme le remplaçant toi-même, alors regarde tes yeux et pense à faire ton mieux pour bien cacher ton côté sombre. Et regarde-le, lui, il te fait des grands sourires, alors qu'il est en train de se dire que t'as l'air cancéreux. C'est triste à dire, mais bon, toi aussi tu fais pareil, je le sais. Évite de te fier aux apparences ou à ce qu'on dit, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. N'attends pas la fin du monde. Pourquoi tu danses avec le diable? Il pourrait te faire du mal. Il n'a plus que lui, prends le tien. N'attends pas la fin du monde. Pourquoi tu danses avec le diable? Il pourrait te faire du mal. Il n'a plus que lui, prends le tien. Arrête de fumer, c'est mieux pour toi. Tu vas finir dans le parking avec un autre zombie comme toi. Regarde le ciel, tu verras qu'il n'y a personne. Mais tu vois le temps passer moins vite. Attends la chance qu'elle vienne à toi. Tu feras peut-être le tour du monde avec la fille que t'aimes. Tes démons en file indienne, ils s'en vont quand tu parles à Dieu. Ne t'appuie-toi jamais sur ton triste sort.